بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alors, on est arrivé à quelle page? 12. Page 12. On était donc arrivé au 7e chapitre. Le chapitre concernant le péché de celui qui utilise le Coran de manière ostentatoire. Allahu al-musta'an. D'après Abu Hurairah radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, les premiers des hommes qui seront jugés au jour du jugement seront un homme qui est mort en martyr. On l'amènera et Allah lui fera reconnaître ses bienfaits sur lui et il les reconnaîtra. Il dira: qu'as-tu fait de ces bienfaits? Il dira: j'ai combattu pour toi jusqu'à ce que je meure en martyr. Allah dira: tu mens. Tu as plutôt combattu pour que l'on dise que tu es courageux. Et certes, cela fut dit. Ensuite, Allah ordonnera qu'il soit traîné sur son visage jusqu'à ce qu'il soit jeté dans le feu. Et un homme qui a appris la science, l'a enseigné et a lu le Coran, on l'amènera et Allah lui fera reconnaître ses bienfaits sur lui et il les reconnaîtra. Il dira: qu'as-tu fait de ces bienfaits? Il dira: j'ai appris la science et je l'ai enseigné et j'ai lu le Coran, tout cela pour toi. Allah dira: tu mens, tu as plutôt appris la science pour que l'on dise que tu es un savant. Et tu as lu le Coran pour que l'on dise que tu es un lecteur et tout cela a certes été dit. Ensuite, Allah ordonnera qu'il soit traîné sur son visage jusqu'à ce qu'il soit jeté dans le feu. Et un homme à qui Allah a accordé de ses largesses et a donné tout type de bien, il sera alors amené et Allah lui fera reconnaître ses bienfaits sur lui et il les reconnaîtra. Il dira: qu'as-tu fait de ces bienfaits? Il dira: il n'y a aucune cause pour laquelle tu aimes que l'on dépense sans que je l'ai fait pour toi. Allah dira: tu mens, tu as plutôt dépensé pour que l'on dise que tu es généreux, et cela a certes été dit. Ensuite, Allah ordonnera qu'il soit traîné sur son visage jusqu'à ce qu'il soit jeté dans le feu, rapporté par Muslim. Ce hadith, très connu, barakallahu fikoum, il fait partie des hadiths donc, qui sont très importants dans le fait de montrer le danger de l'ostentation. Et certes, il y a énormément de textes qui vont dans ce sens. L'ostentation, le fait de faire un acte d'adoration en recherchant les éloges des gens, en recherchant le fait que les gens parlent de toi ou te voient faire cet acte d'adoration, etc. Et donc, comme j'ai dit précédemment, il y a énormément de textes qui montre l'interdiction de l'ostentation. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans son livre: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma dun dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui accorde quelconque associé, mais il pardonne en dehors de cela pour qui il veut. Donc sourate 4, le verset 48. Tayyib. Qu'est-ce qui montre dans ce verset l'interdiction de l'ostentation? Qu'est-ce qu'il y a dans ce verset qui montre l'interdiction de l'ostentation? Oui. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun dhalika liman yasha. De toute façon, le sens verset. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui accorde quelconque associé, mais il pardonne en dehors de cela pour qui il veut. Mais ici, mais ça c'est du shirk. Et nous on parle de l'ostentation. Mais c'est la petite ça. Hein? C'est un petit shirk. Et donc l'ostentation fait partie du shirk, sauf que l'ostentation, c'est du shirk mineur. On a le polythéisme majeur qui fait sortir de l'islam. Et on a le polythéisme mineur qui, lui, ne fait pas sortir de l'islam. L'ostentation, ça peut être du polythéisme mineur, mais ça peut être aussi du polythéisme majeur, comme on le verra. Inch'Allah ta'ala. L'ostentation, si vous voulez, ce qui est le plus connu, c'est que c'est du polythéisme mineur. Mais dans certains cas, ça peut atteindre le degré du polythéisme majeur. Et donc ce verset, il est général. Il montre l'interdiction du polythéisme sous toutes ses formes, le polythéisme majeur et mineur. L'imam Ahmed, rahimahullah, il cite dans son Mousned que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Akhwafu ma akhafu alaykum ash-shirkul asghar » Il a dit « Ce qui me fait le plus peur vous concernant, c'est le polythéisme mineur. » Ce qui me fait le plus peur vous concernant, c'est le polythéisme mineur. « Qalu wa ma ash-shirkul asghar » Alors là, ils ont dit « Mais qu'est-ce que le polythéisme mineur ?» Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam « Ar-riya » l'ostentation. L'ostentation. Donc l'ostentation, c'est du polythéisme mineur. Si on te demande quelle est la preuve dans ce verset que l'ostentation est interdite, tu dis l'ostentation, c'est du polythéisme mineur. On te dit, mais quelle est la preuve que l'ostentation, c'est du polythéisme mineur? C'est ce hadith qu'on vient de voir dans le Mousned de l'imam Ahmed. Ibn Majah, il cite dans son Sunan, d'après Abu Saïd al-Khudri radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ela ukhbirukum bima huwa akhwafu alaykum indi min al-Masih al-Dajjal » Qalu bala. Et donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit à ses compagnons « Puis-je vous informer ?» Donc, ou alors, est-ce que je vous informe de ce qui me fait le plus peur vous concernant et qui me fait plus peur que le Messie ou Dajjal? Ils dirent, bien sûr, au messager d'Allah, informe-nous. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, al-shirku al-khafi, le polythéisme caché. Le polythéisme caché. An yakum ar-rajulu yusalli, fayuzayyinu salatahu lima yara min nadari rajulin. Qu'un homme se tient en prière et qu'il embellisse sa prière parce qu'il voit que quelqu'un le regarde. Tu es là, tu es en train de prier, tu as commencé ta prière et là, il y a un frère qui rentre. Ah, je fais bien, je fais attention, bien. Il embellit sa prière. Ou alors quelqu'un qui va faire une moukabala pour un mariage, mashallah, il rencontre sa prétendante. Elle n'a pas encore dit oui, elle est encore en train de réfléchir. Et c'est l'heure de la prière qui arrive. Allez hop, il dirige la prière. Bon, il faut que je montre que je connais. Mashallah, on récite Bakara. Etc, etc, etc. Et donc, les frères, il faut faire très attention à cela. Parce que ça a un impact sur ton acte d'adoration. Là, c'est majeur. On va voir, Inch'Allah. On va voir. Ça vient. Et donc, ici, après cela, un autre texte, l'imam Muslim, rahimahullah, qui nous cite dans son Sahih, selon Abu Huraira, radiallahu anhu, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, قال الله عز وجل, Allah عز وجل qui dit, أنا أغنى الشركاء عن الشرك. Je suis celui qui se passe le plus du polythéisme. فَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ مَعَهُ أَوْ أَشْرَكَ مَعِي فِيهِ غَيْرِ تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ. Celui qui accomplit un acte, il dit à Allah Azza wa Jalla, je suis celui qui me passe le plus du polythéisme. Donc celui qui accomplit un acte dans lequel il m'accorde un associé, je le délaisse. Lui ainsi que son acte. Je le délaisse lui ainsi que son acte. Et donc ça nous montre encore le danger de l'ostentation. Et Ria, l'ostentation, chers frères, l'ostentation rend les œuvres vaines. L'ostentation rend les œuvres vaines. Allah Azza wa Jal qui dit « Ya ayyuha alladhina amanu, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, kalladhi yunfiqu malahu ri'a'a an-nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. » Ô vous qui avez cru, ne rendez pas vos aumônes caduques bil manni wal adha. Al man, c'est le fait de citer à quelqu'un que tu as fait ça. Ahi, je t'ai donné ça. J'ai fait ça pour toi. J'ai fait ça. Et j'ai fait ça. Allah Azza wa Jalla qui dit, ne rendez pas vos œuvres caduques, vos aumônes caduques, en citant ce que vous avez fait et en faisant du tort aux gens. Et donc, quelle est une question qui se pose, quel est l'impact de l'ostentation sur les œuvres? Est-ce que toute l'œuvre va être caduque? Qu'en est-il? Ici, les savants, ils ont abordé ce sujet, et donc, premièrement, ils nous disent que il y a plusieurs formes ou plusieurs situations. Première situation, c'est la situation de l'ostentation qui fait sortir l'islam. C'est l'ostentation des hypocrites. L'ostentation des hypocrites. C'est-à-dire que la base de l'œuvre, elle n'est pas pour Allah. À la base, cette personne, elle n'est pas venue pour prier pour Allah, elle est venue pour autre chose. À la base, la personne, elle prie pour une autre raison que pour Allah. Exemple, je donne un exemple. Quelqu'un qui travaille, par exemple, pour les renseignements généraux. Il vient ici, il se pose avec les musulmans, il est là, il assiste aux prières, il assiste à tout. Mais il n'est pas musulman. Mais il montre aux musulmans qu'il est musulman. Et donc ça, c'est l'ostentation des hypocrites. La base de son œuvre, elle n'est pas pour Allah. Et donc ça, c'est du polythéisme majeur. La deuxième situation, si la base de l'œuvre, elle est pour Allah. La personne à la base, elle vient ici, elle fait sa salat pour Allah, tabaraka wa ta'ala. Puis, pendant qu'elle fait sa salat, il y a Eyman qui arrive à la mosquée. Et lorsque Eyman arrive à la mosquée, alors là, la personne, elle est touchée par l'ostentation. À ce moment-là, la personne est touchée par l'ostentation. Et ce cas-là se divise en deux. Ce cas-là se divise en deux. Premier cas, lorsque la personne est touchée par l'ostentation, alors que son œuvre de base était pour Allah, et qu'ensuite cette personne rejette l'ostentation, il n'y a pas de mal. Son œuvre est acceptée, il n'y a aucun mal. Elle est là, elle est en train de prier, et Iman il arrive, et pendant que Iman arrive, là t'as Shaitan qui vient, ah, il faut embellir ta prière, ah si, ah ça. Et lui, A'ouzou billah min Shaitan al-Rajim. Le rejette cela. Et continue sa prière normalement, alhamdoulilah. Là, il n'y a pas de mal. Deuxième cas, le fait que la personne n'ait pas rejeté cela et qu'elle ait continué avec l'ostentation. Elle prie, et Iman il arrive dans la mosquée, Shaitan qui vient, ah, il y a Iman qui est là, il faut que tu embellisses ta prière, comme ça il va penser du bien de toi, et si, et peut-être qu'ensuite il va chercher une soeur pour toi en Belgique. Et blablabla, bla bla, et blablabla, bla bla, et blablabla. Bla bla. La personne, elle est là, elle embellit sa prière. Au lieu de dire A'ouzou billah, elle embellit sa prière. Tayyib. Et donc ça, ça se divise en deux. Donc ce cas-là se divise en deux. Première situation, si l'œuvre se distingue, si l'œuvre se distingue bien des autres œuvres. Alors, c'est l'œuvre qui a été touchée par l'ostentation seulement qui va être caduque. Exemple. Elle n'est plus là, madame, non, c'est pas grave. Alors, là, il y a un frère qui vient avec de l'argent pour donner de l'aumône. Il a un billet de 50 euros. Il a deux billets de 50 euros. Il vient pour donner une aumône. Il contacte donc le président. Il voit Issa. Issa, tiens, ça c'est pour la mosquée. Et lorsqu'il donne cette aumône, 50 euros, c'est pour Allah. Pur et simple. Il donne ça pour Allah. Il donne l'argent à Issa, tiens, c'est pour Allah. Et à ce moment-là, donc il a donné les 50 euros. Ça y est, khalas, il a donné les 50 euros. Et juste après qu'il a donné les 50 euros, il y a Suleiman qui rentre. Suleiman est rentré. Et lui, il sait que Suleiman, la veille, il avait donné 100 euros. Alors il dit, ah non, non, je vais montrer à Suleiman que moi aussi. Je vais montrer, je ne vais pas, je vais montrer à Suleiman que moi aussi, je... Et donc là, il sort son deuxième billet de 50 euros. Et il le donne. Et donc là, on a deux aumônes qui sont distinctes. Les deux ne sont pas forcément ensemble. Et donc la première aumône, elle est valable. Celle-là, elle était faite lillah. La deuxième, c'est celle-là qui est caduque et qui n'est pas acceptée. Et donc ça, c'est le cas où l'œuvre se distingue bien des autres œuvres. On a l'autre cas où l'œuvre ne se distingue pas. Elle est forcément liée aux autres œuvres. Exemple, la prière. Tu es dans ta prière, le moment de ta prière où tu as été ostentatoire, c'est pendant que tu récitais. Tu n'as pas été ostentatoire pendant toute ta prière. Est-ce qu'on va dire que c'est que la récitation qui n'est pas bonne, mais par contre le recours, l'inclinaison est bonne, la prosternation est bonne? Ou alors tu as été ostentatoire pendant une raka, une seule. On va te dire toute la prière est caduque, les quatre raka. Parce que tu ne peux pas séparer cette raka de l'autre. Tu ne peux pas séparer la récitation qui fait partie, surtout notamment le Fatiha, qui fait partie des piliers de la prière, du reste de la prière. Là, toute la prière est caduque. Et c'est là que je dis, les frères, il faut faire très attention à l'ostentation. Celui qui prie et qui a de l'ostentation dans sa prière, la prière est caduque. C'est du vent. Comment? Ah oui. Et donc ça, les frères, il faut faire très attention. Il faut combattre sa propre personne par rapport à ça. Allez, on prend le chapitre 8 aussi, Inch'Allah. C'est bon, c'est pas trop. Le chapitre 8, donc le chapitre concernant le péché de celui qui fait du Coran une source de subsistance. Celui qui fait du Coran une source de subsistance. L'auteur qui nous dit, rahimahullah, d'après Jabir radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, lisez le Coran. Et donc ici, il ordonne de lire le Coran. Lisez le Coran et recherchez à travers cela la face d'Allah, le puissant, le majestueux, avant que ne viennent des gens qui le réciteront aussi rapidement que la flèche qui sort de l'arc. Ils recherchent par cela la vie présente et non la vie future. Rapporté par Abu Daoud, qui a aussi rapporté un récit ayant le même sens d'après Sahl ibn Sa'd. Et donc il y a ici, premièrement, dans ce récit qui a été cité, l'importance du monothéisme et de l'unicité lorsque tu récites le Coran. Il faut que tu fasses attention à ton intention. Le fait que ton intention soit pure pour Allah lorsque tu récites le Coran. Il y a aussi dans ce récit le fait d'attirer notre attention sur le fait que nous ne devons pas nous précipiter lorsque nous récitons le Coran. Parce que la précipitation, elle empêche la concentration. Elle empêche la concentration. Et donc cette erreur, on va la trouver lorsque les gens ils se donnent à mon objectif, il faut absolument que je finisse le Coran cette année pendant le Ramadan. Ouah ! Il va dire vite, l'objectif pour lui, ce n'est pas de comprendre, l'objectif c'est de finir. Et ça, c'est une erreur. Oui, finir le Coran, c'est bien, c'est très bien, on va pas dire que c'est une mauvaise chose. Mais ton premier objectif, c'est de comprendre. Et donc, la vitesse à laquelle tu lis ne doit pas t'empêcher de méditer sur les versets que tu récites. Et donc, ça, c'est important. Et on trouve ce problème aussi chez certains imams lors du Tarawih. Lors du Tarawih, mashallah, il y en a, ils vont très, très, très, très, très, très vite. Et c'est pas possible de se concentrer, de méditer sur la parole d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Et aussi, il y a dans ce hadith, justement, le prophète il nous a annoncé quelque chose qui devait arriver, quelque chose qui doit arriver. C'est quoi? C'est le fait qu'il y a des récitateurs qui n'auront pas une bonne intention. Et que l'intention qu'ils ont dans leur récitation, c'est le fait de bénéficier des délices de ce bas monde. Comme il nous dit ici dans ce hadith, il dit, donc, avant que ne viennent des gens qui le réciteront aussi rapidement que la flèche qui sort de l'arc, ils recherchent par cela la vie présente et non la vie future. Et donc les gens, ces gens-là, lorsqu'ils récitent le Coran, lorsqu'ils sont des récitateurs, ils recherchent par cela la vie présente. Et donc nous devons faire attention à cela. L'imam Ahmed, rahimahullah, il cite dans son Mousnad d'après Uqba ibn Amir, radiallahu anhu, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit le plus grand nombre des hypocrites de ma communauté sont ses récitateurs. Et ça, ce hadith, il fait peur. Ce hadith, il fait très peur. Et donc, il faut vraiment qu'on fasse très attention à notre intention. Et encore une fois, il y a dans ce hadith le fait que l'interdiction de placer le Coran comme cause de subsistance. Le Coran ne doit pas être ta cause de subsistance, c'est interdit. C'est-à-dire le Coran. Le fait que tu te donnes un salaire pour réciter le Coran. Ah, oui, dans ce sens-là. D'accord ? Tayyib, ensuite, l'auteur qui nous dit « Et d'après Imran, radiallahu anhu, il est passé à côté d'un homme qui récitait le Coran pour des gens. Quand celui-ci eut fini, il lui demanda un salaire. Imran dit alors, « Certes, nous appartenons à Allah et certes, c'est vers lui que nous retournerons. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. » La personne récitait le Coran, et lorsqu'elle a fini, elle a demandé donc de l'argent par rapport à sa récitation. Donc Imran, son réflexe, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est à Allah que nous appartenons et c'est vers lui que nous retournerons. Et il continue, Imran. J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dire, celui qui lit le Coran, qu'il demande alors à Allah, car il y en aura qui liront le Coran et demanderont aux gens un salaire pour cela. Rapporté par Ahmed et Tirmidhi. Et donc, il nous est interdit de demander un salaire par rapport à la lecture et la récitation du Coran. Donc, le fait que les récitateurs demandent de l'argent, demandent un salaire, ceci est un très grand mal qui touche la communauté. C'est pour ça que Imran, il a dit « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». Cette parole, tu l'as dit quand? Tu l'as dit quand tu es touché par un mal. Quand tu vois un mal, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il a eu ses réflexes parce que c'est un grand mal. Le fait que les récitateurs commencent à demander de l'argent, ça entraîne qu'ils soient éprouvés par de l'argent, et ça entraîne que parfois les gens commencent à faire des fatwas pour de l'argent, etc. Et ça entraîne quoi? Ça entraîne l'égarement des gens. Et ça, c'est seulement pour le récitateur du Coran. Pour ceux qui enseignent le Coran, ils ont le droit de demander. Tous. Ah, tu as parlé de subsistance tout à l'heure. Subsistance, c'est-à-dire vivre de ça. Oui. Par exemple, quelqu'un qui a déjà un salaire. On va dire un immeuble, il a déjà un commerce, etc. Et qui demande de l'argent à ses élèves. Ça rentre dans la subsistance. Qu'il soit assis, plus assidu. Subsistance, c'est pas vivre de ça. Subsistance, c'est tout gain que tu prends par rapport à cela. Voilà ce qui est voulu ici. Et s'il demande de l'argent pour les cours, mais ça ne vient pas à lui. On va voir. On va voir. Ça arrive, les frères. Ça arrive. Et donc ici, barakallahu fikoum, il y a aussi dans ce hadith l'importance d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Imran, lorsqu'il a vu cet homme demander de l'argent, il a tout de suite dit cela. Il a corrigé. Il a ordonné le bien, il a interdit le mal. Et donc, ce n'est pas normal qu'on voit des gens qui font de mauvaises choses et qu'on se taise, on les laisse faire, etc. Non, c'est important de corriger et de réprimander les mauvaises choses que certains peuvent faire. Ibn Qudama, rahimahullah, il a cité qu'il n'y a pas de divergence entre les savants sur le fait qu'il n'est pas permis de prendre de l'argent pour faire un acte d'adoration. Il n'y a pas de divergence entre les savants sur le fait qu'il n'est pas permis de prendre de l'argent pour faire un acte d'adoration. Mais la divergence, elle concerne l'enseignement du Coran ainsi que la ruqya. C'est dans ces deux sujets-là qu'il y a une divergence. L'enseignement du Coran ainsi que la ruqya. L'imam Malik ainsi que l'imam Shafi'i, ils voient tous les deux qu'il est permis de prendre de l'argent pour l'enseignement du Coran et la ruqya. La preuve, c'est que dans Sahih al-Bukhari, d'après Ibn Abbas, radiallahu anhuma, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna ahaqqa ma akhadhtum alayhi ajra kitabullah. Certes, ceux qui méritent le plus que vous en preniez un salaire est le livre d'Allah. Ça, c'est dans Sahih al-Bukhari. Certes, ce qui mérite le plus que vous en preniez un salaire, c'est le livre d'Allah. Cependant, le problème, c'est que ce hadith, qui est dans Sahih al-Bukhari, il a une histoire. Le prophète, il n'a pas dit ça comme cela. Il y a une histoire. Et donc, ce hadith, il concerne la ruqya. Ce hadith, il concerne la ruqya, par rapport au fait que certains compagnons, donc un, il avait fait une ruqya à un homme, il avait demandé un salaire par rapport à cela. Ensuite, ils en ont parlé au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et c'est là que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a cité cette réponse. Et donc, ce hadith concerne la ruqya, pas l'enseignement du Coran, ou la récitation du Coran. Deuxième preuve, dans Al-Bukhari et Muslim, selon Sahl ibn Sa'ad, concernant l'homme qui voulait se marier, l'homme qui voulait se marier et qui n'avait pas d'argent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Mallaktuka bima ma'aka min al-Qur'an. Je te mallaktuka, et donc je te l'accorde, cette femme en épouse, pour ce que tu as du Coran. Pour ce que tu as donc du Coran. Et dans certaines narrations, tu lui enseignes ce que tu as du Coran. Et donc ici, ceci était comme un salaire. Ce que cet homme avait du Coran, le fait qu'il enseigne le Coran à cette femme, c'était donc comme un salaire puisque c'était sa dot. C'était ça sa dot. Ensuite, on a Abu Hanifa et Ahmed qui voient tous les deux que cela n'est pas permis. Il n'est pas permis, il voit qu'il n'est pas du tout permis de prendre de l'argent, donc concernant la ruqya et l'enseignement du Coran. C'est qui dit ça? Abu Hanifa et Ahmed. Et celui qui dit c'est pas lui, c'est Malik et Shafi. Leur preuve, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, la tashtaruna bi ayati Allahi thamanan qalila. Ne vendez pas les versets d'Allah à vil prix. Ne vendez pas les versets d'Allah à vil prix. Mais il y a un autre verset aussi. Lequel? Où le prophète sur cela me dit, je ne vous demande pas de salaire pour ce. Oui, c'est cité, je l'ai marqué là. D'accord. Et justement, le deuxième verset, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا. Dit, je ne vous demande aucun salaire pour cela. Dit, je ne vous demande aucun salaire pour cela. Et donc, barakallahu fikoum, ils ont utilisé aussi les hadiths qu'il y a dans ce chapitre. Ici, dans ce chapitre, on a vu deux hadiths. Et donc, Ahmed et Abu Hanifa, ils ont utilisé aussi ces deux hadiths pour citer qu'il est interdit de prendre un salaire pour l'enseignement du Coran et pour la ruqya. Et aussi, un autre hadith qu'il y a dans le Musnad de l'imam Ahmed, « Iqra'u al-Qur'an, wa la ta'lu fihi, wa la tajfu anhu, wa la ta'kulu bihi, wa la tastakfiru bihi. » Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Récitez le Coran et n'exagérez pas le concernant et donc ne faites pas preuve non plus de négligence le concernant et ne le prenez pas comme cause de subsistance. Voilà, ta'kouloubi, ne mangez pas par celui-là. » Ça veut dire que tu prends le Coran comme cause pour manger, pour avoir ta nourriture. Et donc tu prends le Coran comme cause de subsistance. Et voilà, tastakfirou bihi, et ne prenez pas le Coran comme une cause d'augmentation. Il y a aussi dans le recueil d'Abu Daoud, Othman ibn Abi al-As, qui dit, ô messager d'Allah, ij'alni imam akoumi, fais de moi l'imam de mon peuple, l'imam des miens. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, anta imamuhum, waqtadi bi ad'afihim. وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَىٰ أَذَانِهِ أَجْرًا. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, certes, tu es leur imam. Donc il dit cela à Othman ibn Abi al-As. Tu es leur imam. Et fais attention aux plus faibles d'entre eux. C'est-à-dire, lorsque tu pries, il faut que tu fasses attention aux plus faibles. Ne fais pas une prière qui est trop difficile pour lui. Et donc, fais attention aux plus faibles d'entre eux. Et prends un mu'adhin, le mu'adhin, celui qui fait l'adhan. Et prends un mu'adhin qui ne prend pas de salaire pour son adhan. Prends un mu'adhin qui ne prend pas de salaire pour son adhan. Ensuite, on a un troisième avis. Donc là, on a vu le premier avis. Malik Shafi'i. Deuxième avis. Abu Hanifa Ahmed. Troisième avis. Ahmed. Ahmed, il a deux avis dans ce sujet. C'est aussi l'avis de Ibn Taymiyyah rahimahullah. C'est aussi l'avis qu'a choisi Ibn Baz, ainsi que Ibn al-Uthaymeen rahmatullahi ala al-jami'a. Quel est cet avis? C'est le fait qu'il est permis d'avoir un salaire pour l'enseignement du Coran et la ruqya quand il y a une nécessité, un besoin. Une personne qui n'a pas d'argent, il n'a pas de travail, c'est ce qu'il fait. Il se rend disponible pour les gens afin de leur enseigner le Coran. Si on lui donne rien à cette personne, qu'est-ce qui va arriver? Il va devoir aller chercher un travail, comme beaucoup. Et donc il va chercher un travail, et lorsqu'il aura son travail, il n'aura plus le temps d'enseigner le Coran aux gens. Et donc là, on est dans un cadre, on est dans une nécessité. Cette personne, elle a besoin de vivre quand même. Elle a besoin d'avoir de quoi se nourrir, nourrir sa famille. Et donc, à partir de là, il est permis pour cette personne de prendre un salaire. Mais si cette personne, par exemple, c'est une personne que elle a un commerce. Elle a un commerce qui tourne, qui lui rapporte un salaire, etc., etc. Et qu'elle peut très bien vivre de ce commerce qui tourne, qui ne lui prend pas beaucoup de temps. Elle peut donc avoir le temps d'enseigner le Coran aux autres. Et elle a son commerce qui tourne. Et à ce moment-là, on dit à cette personne, ne prends pas d'argent. Tu as déjà ton commerce qui tourne. Ne prends pas. Parce que cet argent t'a été accordé par rapport à un cas de nécessité. Et cet avis, barakallahu fikoum, c'est l'avis le plus juste. C'est l'avis le plus juste dans ce sujet, incha'Allahu ta'ala. Et ici, on voit, barakallahu fikoum, l'interdiction que font certains. Certains qui vont imposer un salaire. C'est-à-dire, on demande à un imam de venir pour Ramadan. On demande à un imam de venir pour Ramadan. Pour faire le tarawih. Et lui, il dit, ah, ok, d'accord, je viens, mais c'est pour 3000 euros minimum. Ah, moi, mashallah, moi j'ai une voix, Allah ma berek, toute la mosquée va être concentrée. Même les koufars, ils vont aimer. 3000 euros minimum. En dessous, je viens pas. Ça, c'est interdit. Maintenant, si cet imam-là, il vient, il n'a rien demandé. On lui dit, on a besoin, Marseillais, etc., etc., etc. Il vient. Et lorsqu'il arrive, il n'a rien demandé, les Martiniquais se cotisent et ils lui donnent. Ils lui donnent. Sans qu'il ait demandé. Il n'y a pas de mal à ce qu'ils prennent l'argent, Inch'Allah ta'ala. Il n'y a pas de mal à ce qu'ils prennent l'argent, Inch'Allah ta'ala. Mais le fait que lui, il impose, moi je ne récite pas en dessous de tant d'argent, Allahul Musta'an. Allahul Musta'an. Tayyib, jazakum Allah khairan wa baraka fikum.